بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، عندك دموا لي كونديسيون دو لا إله إلا الله. Qui implique son affirmation et sa négation. T'as compris la question? Les conditions de la ilaha illallah. Voilà. Ce que t'as dit là, c'est pas dedans. Okay. Allez, khalas. Al-ilm. Savoir. L'amour. Mahabba. Non. Le fait. L'assujettissement. Al-qiyad. Assujettissement et acceptation. Kaboul. Kamel. La véracité. La véracité. La certitude. Véracité. طيب. Donc la dernière fois on avait fini de parler en ce qui concerne Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Ibada, et ce Tawhid c'est celui-ci pour lequel on t'a envoyé le messager, et c'est ce Tawhid là qui a été le point de divergence entre les gens de l'islam et les autres, car c'est là-dessus qu'il y a le khilaf, qui est d'unifier Allah Azza wa Jalla dans l'adoration. C'est là le point sensible, c'est là le point de distinction entre les croyants et les autres. Car Tawhid al-Rububiyya, comme on va le prendre aujourd'hui, la plupart des gens le reconnaissent. D'accord? Ils l'ont en eux, qui savent que Allah c'est le créateur, que c'est Allah qui donne la vie et tout. Ça, la plupart des gens ils l'ont, qu'ils soient musulmans ou pas. Amal, Tawhid al-Ibada, l'adorer seul, exclusivement, ça, il y a quelqu'un de l'islam qui l'accomplisse. Et c'est pour cela que les messagers ont été envoyés. Car les Quraysh savaient que Allah était le créateur. Tawhid al-Rububiyya, il l'avait. C'est ainsi qu'il y a le Tawhid al-Rububiyya. C'est Sual Tassiwa 49e question. Page 24, en haut. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما هو توحيد الربوبية. Donc maintenant c'est quoi ce توحيد الربوبية qu'on traduit par توحيد de la seigneurie, de la souveraineté. هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره ومتصرف فيه ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل له ولا سمي له ولا منازع في شيء من معانيه في معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. C'est le fait d'admettre complètement que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est le Seigneur de toutes choses et le souverain de toutes choses. Voyez, c'est lui le créateur de toutes choses et c'est lui qui contrôle toutes choses et qui n'a aucun associé dans sa royauté, dans son royaume. Et aucun allié. Et que s'il veut une chose, personne ne peut la repousser. Et que personne ne peut s'opposer à son jugement. Et personne ne peut s'opposer à lui. Et qui n'a pas d'égal. Ni d'homonyme. Et كذلك, que personne ne peut faire obstruction, on va dire, plusieurs. Dans ce qui concerne, dans ce qu'implique ses noms et attributs. يقول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. L'ange Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a créé également les ténèbres. Quand on dit ténèbres, là, c'est tout ce qui est obscurité, le contraire de la lumière. Donc celui qui a tout créé. طيب. وقال تعالى الحمد لله رب العالمين. L'ange Allah, Seigneur des mondes. وقال تعالى كل ما رب السماوات والأرض قل لله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Donc dit qui est le Seigneur des cieux et de la terre, dit c'est Allah. Dit avez-vous donc pris en dehors de lui des alliés qui ne possèdent rien, qui ne se possèdent même pas eux-mêmes. Dites-moi qu'ils ne peuvent s'apporter aucun bien ni aucun mal à eux-mêmes. Dit sont-ils égaux l'aveugle et le clairvoyant, et est-ce que sont égaux les ténèbres ainsi que la lumière? Ont-ils attribué à Allah des associés qui auraient créé comme sa création? Et ils auraient confondu entre les deux créations, c'est-à-dire que les gens, parce qu'ils auraient dit que quelqu'un d'autre que Allah Azawajal crée, et on voit la création d'autrui, ils n'arriveraient pas à différencier entre la création d'Allah et celle d'autrui. Et ça n'existe pas. Dit, c'est Allah le créateur de toutes choses, et il est l'unique, le dominant, ou le grand dominateur, suprême. Ar-Ra'd, tonnerre, verset 16. Donc ce verset en lui-même, il est clair. Nul ne peut rien créer, et nul ne possède la moindre capacité de se nuire à elle-même, de apporter quelconque profit. Tout cela, ça aura lieu par la volonté d'Allah, Azzawajal. Comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, du Marbas, « Ou la nijtama'at l'ummatu ala an-yaduruka bishay, n'ayaduruka ila bishay, quand kataba Allahu alayk. » Que si toute la communauté se réunissait pour te faire un mal, ils ne feront qu'un mal qu'Allah t'avait déjà prédestiné. Et le contraire, kazalik, s'ils voulaient tous s'unir pour te faire un bien, ils ne pourraient t'apporter que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Donc tout ne se passe qu'avec la permission d'Allah, Azzawajal. Les gens eux-mêmes ne peuvent rien te faire, concrètement. Et si quelqu'un te fait du mal, c'est que Allah a voulu qu'il te fasse du mal. Même temps. Et c'est en dedans kazalik, avec les Sahara, les sorciers et autres. Ces gens-là ne t'atteignent par leur mal que parce qu'Allah l'a voulu. En réalité, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, rien ne peut t'atteindre. Donc s'il y a une chose atteint, eux, faut pas avoir peur d'eux en soi. Faut avoir peur que Allah Azawajal t'éprouve par ces gens-là. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent rien te faire. Leur sihr, c'est que Allah Azawajal leur a permis de le faire, c'est tout. Sans quoi, s'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, t'as des gens, ils t'ont fait des trucs, ça t'a jamais atteint, tu sais même pas. Les gens essaient de te faire du mal, ils t'ont jalousé, ils t'ont porté la haine. Allah t'a protégé, par différentes causes. Tu le sais même pas. Toi, tu fais ta vie, des gens te font des choses, t'es même pas au courant, toi. Et t'en as d'autres, malheureusement, pour d'autres raisons, soit pour les élevants degrés, ou soit pour des choses qu'ils auraient commises comme mal. Allah les a éprouvés par des mots occultes. Naam. Yaqul, wa qala ta'ala, Allahu allazi khalaqakum thumma رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Dit que c'est Allah qui vous a créé, puis vous a octroyé votre subsistance, puis qui vous fera mourir, puis qui vous fera vivre, c'est-à-dire après la mort. Est-ce que parmi vos associés, certains sont-ils à même de faire cela? Dit louange à Allah, pureté à lui, qu'il soit élevé de ce qui lui associe. Donc, nul ne peut créer, nul ne peut apporter, nul se distance. Les gens ne sont qu'on des causes. Les gens ne sont qu'on des causes. La subsistance, c'est Allah Azzawajal qui l'apporte. Il l'apporte aux hommes, il l'apporte aux djinns, il l'apporte aux animaux. Toute créature qui a besoin d'être nourrie, c'est Allah qui les nourrit. Après, il a fait des causes pour que ces choses parviennent aux gens. Donc il dit, ensuite, il vous fera mourir. C'est Allah qui décrète de la mort des gens. Même si quelqu'un, par exemple, t'aura assassiné, c'est comme on dit tout à l'heure, c'est une chose que Allah met comme cause. Mais en réalité, ce que tu as pris ta vie, c'est Allah, Azzawajal. Et ensuite, il vous fera vivre. Kazalik, quand tu nais, ce sont pas tes parents qui t'ont donné la vie. Ils ont été une cause pour que tu existes. Mais la vie, c'est Allah, Azzawajal, qui t'a donné. Et Yom Al-Qiyamah, après la mort, c'est lui qui vous fera revivre. Sans accouchement de mère, sans rien du tout. Tu seras ramené à la vie. Donc, est-ce que parmi vos associés, quelqu'un qui pourrait faire cela? La question, la réponse, elle est évidente. Personne ne peut faire cela. وقال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. Il dit, dans le sens, Allah, après avoir cité différentes choses de la création dans le monde, il a dit, voici la création d'Allah Azawajal. Donc montrez-moi ce qu'on crée, ceux qui sont en dehors de lui. Qu'ont-ils créé? Rien. L'être humain peut être nommé créateur de façon relative. يعني أنا خلقه مقيد. L'être humain ne fait que assembler d'une matière à une autre. D'accord? Par exemple, ils vont faire une maison. On a le droit de dire que c'est un créateur. Mais cette création, elle parle de quoi? Il a assemblé les briques, il a assemblé le ciment, il a assemblé les matières. Mais les matières, c'est lui qui les a créées, de base. Il n'a rien fait. Même ta, Mathalène, ah, ce meuble-là, par exemple. Ils ont mis la forme, ils ont mis la peinture, ils l'ont coupé. D'accord? Le bois, d'où il vient le bois? C'est qui l'ont fait le bois? Non. Les clous qui y a à l'intérieur, le métal dont servait pour faire les clous, c'est qui l'ont fait? Non. Ils ont fait que lui donner une forme. En le faisant fondre, en le mettant dans un moule et à casa, à casa. L'homme ne fait que assembler et monter. Mais la matière première, il n'a rien fait. Il ne peut rien faire. Et Allah Azzawajal a même défié de créer ne serait-ce que l'aile d'une mouche ou d'un moustique. La chose qui pourrait paraître la plus anodine à nos yeux, Allah Azzawajal a mis au défi de l'homme de créer une aile de moustique. Il ne peut pas. L'homme, il ne peut rien faire. Tu les vois aujourd'hui se vanter et croire qu'ils ont fait des grandes choses, vous n'avez rien fait du tout. Est-ce que le peu que vous avez fait, c'est Allah qui vous a permis de le faire. Le peu que vous faites, c'est Allah qui a permis de le faire. Sans quoi vous n'avez rien fait. Est-ce qu'Allah demain, il enlève tout? Comme Allah Ta'ala, « وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » Vous n'avez seulement reçu que peu de savoir. Par rapport à tout ce qu'il y a dans l'univers, on ne connaît que peu de choses. Et l'homme se croit pouvoir se passer d'autre chose. Il ne maîtrise même pas encore ce qu'il y a sur Terre, il va aller sur Mars. Tu vois? Miskin. Et il s'oublie. Et il oublie plus important ce qu'il y a après la mort. Il a cherché plein de choses, il s'éparpille à droite, à gauche. Il fait des recherches dans plein de domaines, en oubliant celui qu'il a créé. Yaqul Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Dans le sens où il dit, ont-ils été créés à partir du néant ou se sont eux, ou bien sont eux les créateurs, ou alors est-ce eux qui ont créé les cieux et la terre et plutôt ils ne savent pas? Est-ce que l'être humain s'est créé lui-même? Non. Ils ont beau essayer de faire des choses, des clones, ils n'arrivent à rien faire. Vous avez dit, l'aile de mouche, ils n'arrivent pas à la faire. Ils vont faire quoi après ça? Ils vont faire un homme. Ils vont faire un robot, possible. Ils vont faire un montage, peut-être un cyborg un jour, ça n'existe pas déjà, possible. Ils vont faire peut-être des hologrammes, possible. Mais la vie concrète, du début à la fin, comme on la connaît d'un homme, ils ne peuvent pas le faire. Ça, c'est impossible qu'ils le fassent. Même aujourd'hui, il vous faut des trucs avec des transgenres, je ne sais quoi. Tu pourras mettre un homme ressembler à une femme, avoir la voix d'une femme, avoir la pensée d'une femme, il ne pourra jamais enfanter. Tu pourras mettre ce que tu veux en lui, il ne pourra jamais être enceinte et accoucher. Physiquement, il n'est pas fait pour ça. Un homme, même s'il a une, on va dire, silhouette de femme, intérieurement, il n'a pas l'anatomie pour mettre un enfant au monde. C'est pas possible. Ils ne pourront pas. Tout comme une femme. Elle pourra ressembler à un homme, avoir une carrure, avoir une voix rauque, la barbe même si tu veux. Elle pourra pas avoir ce que l'homme a pour pouvoir faire un enfant. Elle ne pourra pas. Elle n'a pas été créée pour ça. Quoi qu'ils fassent, ils vont tenter de s'y approcher, ils ne pourront pas l'atteindre. Et alhamdoulilah qu'ils ne puissent pas le faire. Ils essayent, hein, mais alhamdoulilah qu'ils n'arrivent pas à le faire. Yaqul, wa qala ta'ala, Rabbu as-samawati wal ard, ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadati, hal ta'lamu lahu samiyya. Dit, dans le sens où Allah dit, Seigneur des cieux de la terre, est-ce qu'il y a entre les deux? Alors adorez-le et maintiens-toi sur son adoration. Le connais-tu donc un égal? Ce verset, à lui tout seul, regroupe les trois genres de tawhid. Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma. Seigneur des cieux de la terre, c'est entre les deux. Ça c'est tawhid qu'on parle là maintenant, rububiyya. Fa'buduhu wastabir ibadati. Adore-le et maintiens-toi sur son adoration. Ça c'est tawhid. Là. Non. Olohiya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Le connais-tu donc un égal ou un homonyme? Ça, c'est tawhid, il y a ça aussi, c'est non attribut. Ce verset regroupe les trois. Il y a d'autres versets. Al-Fatiha également, elle regroupe tout. Trois formes de tawhid. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Il n'y a rien qui est comme lui, et il est l'audient et le clairvoyant. D'une audience, d'une ouïe parfaite et d'une vue parfaite. Et ce verset vient justement pour montrer que Allah n'a pas d'égal, et malgré cela, il a des noms et attributs. Et même si ces noms et attributs, nommément parlant, ressemblent aux nôtres, ils ne sont pas pareils. Par exemple, Allah, il voit, nous aussi on voit. Notre vue n'égale pas celle d'Allah. Allah, il l'entend, nous aussi on l'entend. Mais est-ce que notre oui, elle est similaire? Sûrement pas. Regarde à l'échelle de la créature, regarde un être humain, tu pourras amener l'homme qui voit le mieux, il n'aura pas la vue d'un rapace, par exemple, d'un aigle. Tu vois l'aigle, comment il voit? Il est dans les yeux, et il voit un rat dans une forêt qui court. Il plonge, il l'attrape. Autant là, ils sont là dans, au-dessus des mers, ils voient un poisson dans la mer, il est très haut. Il plonge, il l'attrape. Mais on peut le faire, ça? On peut pas le faire. Pourtant, est-ce qu'on va dire que notre vue est comme la sienne? Non. Alors que Dieu, le Saddallah Azzawajal, qui voit tout. Donc, le fait qu'il y ait un ishtirak entre les alfaz ne veut pas dire qu'il y a un tashabbuh. Le fait qu'il y ait une jonction, on va dire, entre les termes, une similitude entre les termes, ne veut pas dire que ils sont égaux. Contrairement à ce que des gens veulent faire croire, que lorsqu'on affirme les non-attributs, on fait de l'anthropomorphisme. On fait ressembler à Allah sa création. On dit non. Dans le Coran, elle a dit qu'il voit. Est-ce qu'on va contester? Il voit. Et d'ailleurs, s'il ne voyait pas, il ne serait pas parfait. Allah dit qu'il entend. Est-ce que son ouïe est comme la nôtre? Non, on ne dit pas ça, non. Mais on dit qu'il entend. Est-ce qu'on le fait ressembler à la création? Non, il entend. Vous voyez? Il entend. Yaqul wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhul wa kabbirhu takbira. Kedhalik, dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit de faire sa louange qu'il est celui qui n'a pris aucun enfant et qui n'a aucun associé dans son royaume et autres. Et de le takbirum, ou kabiru takbira, vous savez, le fait de le glorifier par le takbir. Wa qala ta'ala, قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Dit, invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui, en dehors d'Allah. Il ne possède même pas un grain d'atome dans les cieux et ni sur terre. Et qui n'ont aucun associé, c'est-à-dire qu'on attribue à Allah Azzawajal, ni dans les cieux, ni sur terre. Et il dit à la fin du verset que l'intercession ne profite à rien auprès de lui sans sa permission. Et quoi, Takadam Nafi Masalat et Shafa'a. On n'a pas de Shafa'a avec ces conditions dans Al-Qawadar Arba'a, d'accord, qu'on ne peut intercéder si ce n'est après sa permission. Et que Allah Azza wa Jal accorde l'intercession parmi les conditions aux croyants seulement. D'accord? Il n'y a pas d'intercession pour le kafir, tout comme le kafir ne peut intercéder pour autrui. Naam. Qal ma did tawhid ar-rububiyya. Donc maintenant, c'est quoi l'opposé de ce tawhid? Qu'est-ce qui s'y oppose? Et tu vas aller voir rarement des gens s'y opposer dans sa base, mais ils vont s'y opposer dans des branches de ce tawhid. Ou irtiqad mutasarrif ma'a Allah azza wa jal fi ay shay min tadbir al-kawn min ijad aw i'dam aw ihya aw imata aw jalb khair aw daf ash-shar aw ghayr dhalika min ma'ani ar-rububiyya aw irtiqad manazi' lahu fi shay min muqtadayat asma'i wa sifatihi ka 'ilm al-ghayb وكل عظمة والكبرياء ونحو ذلك. Donc c'est le fait de croire, qu'est-ce qui s'oppose à ce tawhid? C'est le fait de croire qu'il y a autre que Allah qui a main prise sur le contrôle des choses dans la création, de pouvoir donner la vie, de pouvoir donner la mort, de pouvoir apporter un bien ou repousser un mal et autres, ou qu'il a quiconque qui puisse contester quelque chose concernant ses noms et attributs, ou qui puisse se permettre de s'attribuer quelque chose parmi ce qui lui est propre, comme par exemple quelqu'un qui prétendrait connaître l'invisible. C'est pas possible. Et celui qui prétend l'invisible, c'est quoi? Non, mais il y a un terme particulier qu'on a pris dans Soul Salaf à la fin. Il rentre dans quelle catégorie de gens? Enfin, de gens. C'est qu'il faut voir l'invisible. Connaître l'invisible. Connaître l'invisible. Mm-hmm. La mécréance. Non. Mais il rentre dans quoi? Dans salasa, on a dit, fait partie de telle chose. Une chose qui englobe plusieurs choses. Et parmi elles, prétendre connaître l'invisible. C'est quoi? Tout à la fin du livre. La cite, t'as oublié. Oh, tu connais, juste, tu y penses pas, mais tu connais. T'en rappelles pas? T'as déjà fait sur Salata, toi? Non? Tu connais encore la réponse. Peut-être que tu sais. C'est du shirk. C'est du shirk, non, mais il rentre dans une catégorie de... Tarout. Tarout. Tarout. Donc, quand même, il a dit le Tarout, Khamsa Ashi a cinq choses. Les têtes du Tarout, cinq. Première, c'est Iblis. Après, il a dit celui qui prétend connaître les choses de l'invisible. Dedans, ça rentre les sorciers, les marabouts, les devins, les médiums, les voyants, et blabla, et ce qui s'ensuit. Il y a celui qui juge par autre que l'ordre d'Allah Azzawajal, en ayant pour croyance que cela est halal. Voyez, il y a celui qui appelle à son adoration propre. Il y a celui qui adorait et qui agrée être adoré. Là, ce sont les cinq principales formes de tarout. قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Donc il a dit que ce que Allah Azza wa Jal accorde aux gens comme miséricorde, nul ne peut la retenir. Et que si jamais il la retient lui-même, nul ne pourra la déclencher également. Après lui, et il est le puissant et le sage. Il dit, ô vous les gens, rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. Est-ce qu'il y a un autre créateur en dehors d'Allah qui vous apporte la subsistance depuis les cieux ou de la terre? Et la réponse, bien sûr, c'est non. وَقَالَ تَعَالَى وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُورٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ. Que si Allah Azza wa Jal veut atteindre un mal, nul ne saura le retenir en dehors de lui. Que si jamais il te veut un bien, il saura l'empêcher. Et cela, c'est également pour réfuter les gens qui croient aux superstitions, qui croient au porte-bonheur, qui croient à ce qu'on appelle la poisse et autres. C'est-à-dire qu'ils accordent à ces choses une part de contrôle. Ils disent, par exemple, si je passe une échelle, il va arriver telle et telle chose. Il va rien t'arriver. Il va t'arriver. Et le fait de croire que passer sous une échelle te porte malheur, c'est ça le malheur. C'est pas l'échelle, c'est cette croyance que tu as en ton cœur qui va te porter malheur. Tu meurs dessus. Que si un miroir il tombe, t'as 7 ans de malheur, je sais pas quoi, tout ça, c'est... Tu accordes au miroir une part de pouvoir dans la création, il n'a rien du tout. Et dans aucun verset, aucun hadith, Allah Azza wa Jalla dit que si un miroir il se brise, t'as telle et telle chose. Donc ça veut dire qu'en cela, ça viendra de deux choses. Soit c'est du chef Asrar ou Akbar. Si jamais tu dis que, par exemple, passer sous cette chaise, il va t'arriver tel malheur, en disant que ça là, Allah il en a fait une cause, on dit t'avais du shirk asrar, parce qu'Allah n'a fait aucune cause de ça. Nulle part. Si tu dis que cette échelle en elle-même te causera malheur, alors là c'est du shirk akbar, parce que tu prétends que cette échelle elle a un pouvoir, quelque chose, c'est-à-dire qu'Allah il la contrôle pas à l'échelle. Donc ça c'est akbar. Donc tout ce que vous voyez comme porte-bonheur, croire en la chance, et ce genre de choses, ça rentre là-dedans. D'accord? Tout ça c'est contrôle d'Allah, Azawajal. Il n'y a rien qui sort de son contrôle, et tant qu'il n'a pas émis une chose comme étant une cause qui amène un mal ou un bien, on ne peut la décréter par nous-mêmes. D'accord? Dans ces choses-là qui touchent à l'invisible. Kazalik, les façons de se soigner avec des médicaments qui ne sont pas des causes. Prétendre que ça est une cause, alors ça n'en est pas une. Les médicaments, ils sont pris en compte lorsqu'ils ont été testés et que leur effet était instantané et vu. Et qu'il y a un rapport avec la maladie. Que des fois, t'as des gens qui disent, ouais, si tu portes tel collier, ça te protège tel mal. Ça n'existe pas, ça. Ma affiche. Ça, ça rentre dans le shirk qu'on vient de citer. Soit il sera Akbar ou Asrar. S'il dit que ce collier protège par lui-même, shirk Akbar. S'il dit que c'est Allah qui en a fait une cause, Asrar. Il n'y a aucun dalil qui dit que ce collier-là va te protéger. Ni le cuivre, ni l'or, ni l'argent, ni rien du tout. Maintenant, si la chose a été médicalement testée, et qu'on a vu qu'il y a un lien avec la maladie, et que ça a été vu que ça a vraiment fonctionné, là, on va dire, c'est accepté. C'est une cause. Comme on l'a vu. Mais les autres choses qui sont occultes ou ça, ça n'existe pas, ça. Et là, c'est là que rentrent les charlatans avec des remèdes inventés, des choses. Et les gens, ils y croient. Et ils se font avoir. Et là, ils se rendent compte, ils veulent se guérir d'un mal et tout dans le shirk. parce qu'ils n'ont pas la bonne croyance, ils ne connaissent pas justement comment déceler ce qui est une cause concrète venant d'Allah Azzawajal, ce qui n'en est pas une. Et ça, quand si jamais un jour vous avez l'occasion de faire le kitab Tawhid, vous apprendrez ces masa'il. À quel moment c'est du Akbar et quand c'est du Asrar. Bi'idhnillah ta'ala. Yaqul. Je me suis arrêté où ? أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه توكل علي يتوكل متوكل نعم donc dit ou plutôt avez-vous donc vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah si Allah me veut un mal est-ce que ces choses-là que vous invoquez pourront l'empêcher elles pourront l'empêcher s'il veut un mal rien ne pourra l'empêcher. Ou si Allah me veut une miséricorde, est-ce que ces choses que vous invoquez pourront l'empêcher ? Pourront pas l'empêcher. Donc il dit Allah me suffit, et c'est sur lui que place leur confiance, les mutawakkilun, c'est-à-dire ceux qui placent leur confiance. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, t'as pas à voir par des sorciers. En eux-mêmes, ils ne peuvent rien te faire. Comme quand le Ta'ala, wa umidari nabi ahadin illa bi iznillah. Les sorciers ne peuvent rien te faire, si ce n'est avec la personne d'Allah. Donc toi, de qui tu dois avoir peur ? C'est tout. C'est tout. Elle a été prouvée par ces gens-là. Mais ce que lui l'aura voulu. Lui en lui-même, ils ne peuvent rien faire. Tu vois, si un sorcier vient juste faire, tu fais ce que tu veux. Tu feras que ce qu'Allah a voulu que tu fasses. Et toi, tu ravises à l'askar. Tu fais tes askars du matin, tes askars de fin de journée, quand tu rentres chez toi, quand tu sors. Tout ça, c'est des protections, des causes. Ça, c'est des causes vraiment concrètes. Pourquoi ? On a des dîles qui le disent. Sur la telle baccara, ce que tu dis avant de dormir, ce que tu dis en te réveillant, c'est des causes. On a des dalils qui disent que tu fais ça, tu seras protégé. Et si jamais malgré que tu l'aies fait, t'es touché, c'est que ça veut te toucher. D'accord? C'est peut-être Allah qui veut t'éprouver, t'es devant un degré. T'éprouver comme il éprouve les gens qui l'aiment. Et toi, tu verras que c'est une épreuve à quel moment? Quand en fait, dans ta religion, tu restes ferme. C'est là que tu différencies entre un châtiment d'Allah Azawajal et une épreuve pour tellement de degrés. Une personne sera atteinte d'un mal, tu vois, il change. Il s'affaiblit, il fait des péchés. Tu dis, toi, c'est pas un bon, ce qui t'arrive, c'est pas une bonne chose. Par exemple, je sais pas, il perd son fils, et tu vois, il vient plus au mosdid, il commence à faire des péchés et tout, il craque. Dis, toi, ce qui t'est arrivé là, on craque que ce soit châtiment pour toi. Et t'en vois un autre, il atteint la même chose, tu vois, il reste dans son dîne ferme. Il est triste, c'est sûr, tu vois, il est ferme. Il change pas dans sa religion. Dis, toi, on espère pour toi que ce soit une épreuve pour tellement de degrés. Donc, le misel, c'est quoi? La personne dans sa religion, comment il est? Tu vois qu'il reste ferme, il change pas. Quoi qu'il lui arrive, comme malheur, tu dis, toi, on espère que ce soit une chose qu'Allah, il t'aime, il t'est là en degré. Quand tu vois, il commence à changer, à faire des péchés, et à dévier, là, tu crains pour lui. La circonstance du mal aussi, ça rentre dedans. C'est-à-dire la circonstance du mal? La dernière fois, on parlait, par exemple, de celui qui fait une roue en moto. Il tombe. Ah ben là, il l'aura provoqué, lui. C'est une chose qu'il aura provoqué lui-même. Mais parlons, on parle d'une chose que toi, t'as pas provoqué. T'as eu une maladie. Ou t'as perdu un proche. Ou t'avais une chose sans que tu l'aies provoqué. Un accident de voiture, par exemple, tu étais sur ta moto, sallallahu alayhi wa sallam, et un gars, il grille un feu rouge et hop, il te fait tomber. Tu es pour quelque chose, toi? T'as rien fait. C'est-à-dire, vraiment, c'est une chose que, voilà. Mais là, il vient, il commence à faire des roues avec son scooter et il s'éclate. On dit, pourquoi t'as fait ça? On dit, c'était quoi la fédère de faire ça? C'est toi qui étais blessé, là, tout seul. Tu vois? Maintenant, il se peut que par ça, il prenne conscience et qu'il dit, je vais me calmer. Avec ma moto, je vais faire doucement, je vais faire attention, tu vois. Mais, c'est une chose que lui, il aura prouvé de sa main. De lui-même, directement. Et maintenant, on parle de choses qui tombent dessus sans que tu n'as aucune part dedans. Tu n'as aucun contrôle. Tu n'as aucune provocation de la chose. Parce que quelqu'un qui fait une chose comme ça, une maladresse de sa propre main, les gens vont dire, pourquoi t'as fait ça? Ah, mais demain, tu passes au feu vert normal, là, il vient, il te chope. Il dit, il grille le feu rouge. On va dire quelque chose à toi? On va dire, ouais, pourquoi t'es passé au feu vert? On va dire, bah, c'est le feu vert, c'est normal, je passe. C'est lui qui passe au feu rouge. Donc là, c'est vraiment une chose qui est indépendante de ta volonté. Et tu n'as aucune part dans ce qui s'est passé. Ouais. Toi, t'es arrivé, t'as mis ton casque. C'était sur la moto. T'as respecté le code de la route. T'es passé au feu vert, t'allais pas trop vite. Et où tu l'es arrivé, il a tout rié. Qui va dire quelque chose? Rien, on va rien dire. Tu vois? Ah, bah, demain, tu viens, tu ris un feu rouge, tu fais une roue. Et tu t'éclates. Ah là, ils vont dire, mais pourquoi t'as fait ça? Tu vois? Donc voilà, là on parle de choses qui te tombent dessus malgré toi. Parce que tu as provoqué, bah, les gens vont faire des réprimandes et vont dire pourquoi tu as fait ça. Tu vois, tu étais en train de traîner dans un quartier, il fallait pas. On t'a toujours dit traîne pas là-bas, Yari, c'est pas mon quartier. À une heure, il fallait pas. Une heure, tu es en train de dormir. Tu en discutes avec des gens qu'il faut pas. Et là, voilà, il se passe une histoire, une embrouille, la police passe et tu te fais. On dit pourquoi tu étais là. On t'a déjà dit traîne pas à ce endroit-là. Encore moins cette heure-là et pas avec ces gens-là. Tu n'as pas écouté. Ça y est. Et t'es arrivé ce qui leur arrivait à eux, à ce moment-là, tu auras des réprimandes. On va dire que tu auras un peu causé la chose qu'elle t'atteigne, malgré tout. Et la religion est venue avec des règles pour fermer ce genre de portes, justement. Ça t'amène pour que tu aies une vie droite. Après, justement, comme ça tombe dessus, tu pourras pas dire j'ai provoqué. Tu auras le cœur apaisé pour dire j'ai rien fait, ça m'est tombé dessus. Mais des fois, quand tu fais une chose, tu peux te faire que des reproches à toi-même. De dire ouais, j'ai pas réfléchi, j'ai pas bien agi. J'ai un peu causé cela, tu vois. Ça sent dans toute chose, hein. Dans ce domaine-là ou dans plein d'autres questions. Fayyib. Yaqul wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Que Allah il a les clés de l'invisible et nous ne les connaissons en dehors de lui. Pour dire que les gens qui prétendent connaître de l'invisible, ils font du shirk dans ar-rububiyya. Wa qala ta'ala wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha. Qui ne savent rien de son savoir à part ce que lui aura voulu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمى إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني أحدا منهما أسكنته ناري رواه مسلم وغيره. Donc Allah عز وجل dit, il a comparé sa grandeur à Izar. Izar c'est le pagne, c'est comme le vêtement qu'on met en bas. D'accord. Allah عز وجل l'Izar en soi n'est pas une de ses sifat, mais c'est le Rosama qui est une de ses sifat. Il a compris cela pour qu'on puisse comprendre. Et il dit le Kabriya, Rida'i. C'est comme le vêtement qu'on porte en haut. Rida, c'est un vêtement qu'on porte au-dessus, qui fait celui que tu mets pendant le Hajj, qui couvre une partie de l'épaule. Ça, c'est pas le sifat d'Allah Azawajel. Mais le Kabriya, c'en est une. Donc Allah, il a fait une comparaison pour voir qu'en fait, il est, il a ces deux sifat. Et qu'elle, comment dirais-je, je sais pas comment on pourrait dire en français. J'ai pas dire de bêtises. El-Muhim, El-Uzama, c'est une de ses sifat. C'est l'immensité. Ou El-Kibriya, c'est qui vend de l'orgueil. Mais dans le haq d'Allah Azzawajal, l'orgueil, c'est pas un défaut. Car l'orgueil, c'est se croire au-dessus de la vérité. La vérité que c'est qu'il a créée. Donc il est au-dessus de la vérité. C'est une vérité qui est créée, alors il est au-dessus. Donc l'orgueil fait partie de ses caractéristiques. Mais par rapport à l'être humain, c'est une mauvaise caractéristique. Parce que l'être humain, il reste à sa place. Alors qu'Allah est au-dessus de tout. Donc il dit, celui qui veut tenter de me disputer l'une des deux, je l'entrerai au feu. Donc pour qu'il ouvre quelqu'un qui sera orgueilleux, il ira au feu. Celui qui se croit trop grand, trop bien, il ira au feu. Quand même, pareil. Ce hadith, il est sensible à traduire parce qu'on peut mal le comprendre. Donc j'ai pas trop envie de m'y aventurer. Parce qu'en ce moment-là, j'ai pas les mots en français qui viennent. On va pas qu'on se trompe dans ces deux attributs. طيب. أنا أكتفي بهذا القدر وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.